premier intervenant sera Monsieur Prévost, la deuxième intervenante Madame Hoyos et le troisième intervenant Monsieur Mann. Monsieur Prévost, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, bonjour Madame la Ministre, Mesdames les Ministres et les Ministres. Effectivement, nous nous sommes émus à plusieurs, d'où le fait que différentes personnes de familles politiques prennent place à la tribune successivement pour vous interpeller sur ce sujet, suite à la décision qui a été prise effectivement à l'échelle de la région quant au non-renouvellement d'une série de points APE, et en particulier ceux relatifs à l'ESBEL Panama, qui effectivement avait mis sur pied il y a peu de temps, 2 ou 3 ans maximum, une initiative extraordinaire et attendue depuis de très nombreuses années en région namuroise pour permettre justement d'offrir dans un lieu approprié un espace de concert, de vie en matière musicale où les groupes rock notamment, mais même de tout autre type, ont le loisir de pouvoir s'adonner à leur passion devant un public, sans risquer en plus, vu la situation des lieux, et je sais que vous y êtes déjà rendu, de générer des problèmes de covoisinage. Alors, on connaît le contexte dans lequel cette décision a dû être prise, puisqu'effectivement, pour la première fois depuis de nombreuses années, le budget wallon dédicacé aux APE a été staté, comme on dit dans notre langage, dit autrement, il n'a pas cru, il n'y a pas de moyens additionnels, et dès lors qu'il s'agit alors de faire des choix pour aider l'une ou l'autre association, ça doit inévitablement, enveloppe fermée, s'opérer au détriment d'autres. C'est évidemment dommage, et même si ce n'est pas la bonne enceinte parlementaire, soyez assurés qu'on veillera du côté de la région à plaider pour qu'il y ait à nouveau une ouverture de l'enveloppe, pour avoir des points un peu additionnels. Mais malgré un contact que j'ai pu prendre il y a peu de temps encore avec le cabinet, et qui me laissait entrevoir que pour le Belvédère, il y aurait, donc l'ESBEL Panama, peut-être des possibilités pour 2010 de renouer avec des points APE. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la situation est interpellante, puisqu'avec près de 35 000 euros de moins, c'est l'ensemble du personnel, à savoir 3 employés, qui risquent effectivement de recevoir leur C4. On ne saura pas revenir en arrière sur cette décision hic et nunc. On peut juste, pour avoir des espoirs et en formuler de sérieux pour 2010, et je m'y emploierai, bien entendu, dans les contacts que je pourrais avoir. Mais si je vous interpelle aujourd'hui, Madame la Ministre en charge de la Culture, c'est précisément pour savoir de quelle manière il vous serait possible de pouvoir, à tout le moins, si pas réaliser une liaison et un pont en attente d'une décision 2010, veiller à accorder le Baxter nécessaire, l'oxygène requis à cette ASBL qui fait un travail formidable, qui est un acteur essentiel en matière culturelle et musicale sur Namur, que nous avons souhaité à plusieurs formations politiques mettre sur pied dès l'entame de la nouvelle législature, et qu'il conviendrait donc de pouvoir sauvegarder. C'est quand même plus de 400 artistes qui se sont succédés ces 2 dernières années dans ce lieu qui est devenu un lieu de référence en matière musicale, en communauté française et certainement à Namur au demeurant, que l'on prétend peu animé. Je conclue en espérant que vous puissiez aussi, en votre qualité de ministre de la Culture, apporter une partie de la solution pour contribuer à la sauvegarde de cet outil. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Hoyos sur le même objet. En soulignant en effet que nous sommes interrogés au moment du dépôt de cette question, puisqu'en effet, sur la problématique APE, elle relève essentiellement de l'enceinte régionale, qu'il y avait néanmoins une dimension culture à l'objet même de la SBL, et que c'est pour ça qu'on a accepté que la question soit posée du fait de son actualité. Madame Hoyos. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne reviendrai pas sur la description du travail quotidien que mène la SBL Panama au Belvédère à Namur. Je reviendrai en revanche sur la décision prise par le ministre de l'Emploi à la région wallonne, qui interpelle par son motif, à savoir le fait que ça ne figurerait plus parmi les priorités du gouvernement régional. Or, on sait que ça figure, par contre, parmi les priorités du gouvernement à la communauté française, et particulièrement de votre département. Et donc, faisant ce constat, une première question, est-ce que n'y a pas là un problème de synergie entre le gouvernement de la communauté française et le gouvernement wallon, dont on sait pourtant qu'ils avaient décidé de travailler davantage ensemble. Deuxième question, est-ce que je ne partage pas la résignation de mon collègue Prévost, et donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre un contact avec votre collègue ministre de l'Emploi pour qu'il puisse revenir sur sa décision? Troisième question, est-ce que ce qu'est en train de vivre aujourd'hui la SBL Panama au Belvédère à Namur, est-ce que cette situation ne pend pas au nez d'autres lieux culturels soutenus par le réseau Plasma? Et enfin, est-ce que dans l'esprit de la charte associative qui a été votée ici à l'unanimité à la veille de la fin de la dernière législature, il n'y aurait pas intérêt à travailler sur des modes de financement plus pérennes et qui permettent aussi de articuler harmonieusement travail de professionnels soutenu par une politique de l'emploi à la région et travail des bénévoles? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, Madame Hoyos. Toujours sur le même objet, Monsieur Mann, vous avez la parole pour 2 minutes également. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit et fort justement par ceux qui m'ont précédé. Il se fait effectivement que la nouvelle de ne pas reconduire les points APE a créé un véritable sentiment de détresse au sein de tout ce qui est culturel, j'ai envie de dire, tout ce qui est culturel alternatif à Namur. Nous avons la chance que, en matière culturelle, et grâce à vous notamment, il n'y a pas que les lieux de prestige qui sont dédiés. Il y a aussi ces endroits où on essaye d'innover, de créer de nouvelles choses, et qui sont également des lieux, moi j'ai envie de dire, qui dépassent largement la sphère culturelle, qui sont des lieux de prévention. Ce sont des endroits où des jeunes, parfois borderline, peuvent se réunir et trouver là un climat chaleureux ou en tous les cas une réponse à leur aspiration, à leur envie de s'exprimer. Alors on peut effectivement s'étonner que du jour au lendemain, un tel lieu ne soit plus dans les priorités du ministre, en tous les cas en matière de politique sectorielle, et on peut évidemment s'en inquiéter. Je ne crois pas non plus qu'il vous appartienne de suppléer à ce qui a été retiré. Je crois plutôt, effectivement, comme l'a dit Mme Hoyos, à peut-être essayer d'impulser auprès du ministre de l'Emploi de la région wallonne une autre attitude dans ce dossier en particulier. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Mann. La parole est à la ministre de la Culture, la ministre Lanane. Vous avez la parole, Mme la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les trois parlementaires de cette question d'actualité, car je pense qu'effectivement, elle est très importante à soulever en début de législature. Il est vrai que, et ça touche maintenant le réseau Plasma, puisqu'on parle de Panama, ce réseau qui m'est tout à fait cher et que nous avons mis en place sous la précédente législature et qui a permis de déployer sur la communauté française 12 salles qui sont dans le réseau et qui ont permis de faire pratiquement 2000 concerts en communauté française avec des artistes de chez nous, des artistes de la communauté française, des artistes émergents dans les secteurs des musiques actuelles, du rap, du hip-hop, du rock, du jazz, enfin, et j'en passe. Donc oui, vraiment, ce sont des lieux très importants. Ici, donc, la question est posée concernant cet opérateur Panama, qui est un opérateur très important dans le paysage culturel et qui se trouve sur Namur. Et c'est vrai que, par la disparition des points APE, c'est un danger de remise en cause de ce projet. Et je peux vous dire que sous la précédente législature, les opérateurs culturels et moi-même ne remercierons jamais assez le ministre Jean-Claude Marcourt d'avoir effectivement déployé, avec des points APE, des emplois dans une série d'outils culturels, d'institutions, le réseau Plasma, des centres culturels, des institutions qui ne sont pas toujours dans certains cas, mais qui ont permis de déployer des projets, et ça a amené des moyens supplémentaires à la culture au-delà des budgets ordinaires. Donc vraiment, ça c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on est face à une DPR wallonne qui considère que dans les priorités, les points APE doivent être délivrés dans le secteur des handicapés, de la santé et d'autres, j'en oublie sans doute, alors que dans la DPC Communauté française, il y a toujours ces liens de synergie entre l'emploi et la culture. Et donc, il y a une espèce de contradiction, mais on peut se tromper. Et donc, j'ai évidemment sensibilisé mon collègue Antoine sur cette problématique parce qu'elle touche aujourd'hui Panama, mais j'entends que d'autres dossiers sont en danger. Et donc là, je n'ai pas envie que d'autres emplois soient supprimés dans le secteur culturel. Donc il est très important qu'en tout cas, c'est vrai que peut-être si la priorité est pour la santé et la politique des handicapés, je ne demanderai peut-être pas de points supplémentaires ou de points nouveaux pour les années qui viennent tant que nous sommes dans une situation économique difficile. pour permettre que les priorités de l'APR soient rencontrées, mais je ne veux pas qu'on me retire des emplois culturels parce que ça mettrait vraiment en danger ces institutions. Et Monsieur Prévost, je suis désolée, je n'ai aucun moyen dans le cadre des économies que j'ai dû faire et des efforts, et je crois que j'ai été une bonne élève dans ce gouvernement pour mettre en œuvre ces dispositifs. Il n'est pas possible que je trouve d'autres moyens pour remplir l'absence des politiques emploi wallonnes. Donc, voilà, nous sommes dans ce cadre-là, mais je suis persuadée que Monsieur Antoine, excusez-moi, Monsieur le Président, mais comme il y avait trois questions, je trouve qu'il vaut mieux être complète. Je suis persuadée que le ministre Antoine sera très attentif à cette demande et que, aussi, à travers votre question, ça va le sensibiliser parce qu'effectivement, peut-être on ne s'est pas rendu compte qu'on allait avoir un couac sur cette question. Merci, Monsieur le Président, de votre patience. Ça, ma patience, elle est légendaire. Je vais mettre M. Prévost à offrir sa réplique. Oui, deux éléments, une considération de nature générale par rapport à la réponse de la ministre. Je remercie pour ces précisions d'ailleurs. En l'occurrence, je pense qu'il y a un constat qu'on peut tous communément partager, et vous l'avez rappelé, je l'ai moi-même précisé, en l'occurrence, les moyens budgétaires de la région dédicacés aux emplois APE, qui sont pourtant des emplois cruciaux pour énormément d'acteurs, et en particulier ceux du secteur associatif, qu'ils soient culturels, sociaux, de la santé ou autre, pour la première fois, alors qu'il y avait une croissance de près de 12 millions d'euros en moyenne par an, hein, quand on fait le total sur les 5 années, on fait la moyenne, cette année, il n'y a pas d'augmentation. Or, 12 millions de croissance moyenne annuelle, c'est évidemment des centaines d'emplois APE qui peuvent pouvoir soutenir une série d'acteurs au niveau local. Donc, j'espère qu'à travers cette situation, l'ensemble du gouvernement wallon prendra conscience de l'importance de doter de moyens additionnels cette enveloppe APE pour pouvoir aussi rencontrer de nouveaux besoins et pérenniser les besoins existants. Parce que j'apprécie que la ministre l'ait évoqué. En l'occurrence, le ministre ici a suivi quelque part les balises fixées dans la déclaration de politique régionale qui avait clairement indiqué que la priorité dans le renouvellement des points APE devait aller vers le secteur social, les personnes handicapées, la santé, et j'imagine que comme ministre de la Santé, vous êtes également contente sur cet aspect. Maintenant, pour ce qui concerne le Belvédère, soyez assurée, Madame Hoyos, aucune résignation de ma part, simplement de la lucidité, et pour avoir eu des contacts ces derniers temps, je peux vous assurer que les acteurs pourront compter sur moi comme sur vous, j'imagine, pour sensibiliser le ministre et son cabinet à ce qu'il puisse y avoir un horizon qui se dégage. Mais dire pour autant merci, que ce qui a été Prévost signé il y a deux semaines va faire l'objet d'un 180 degrés, ça me semble peu réaliste. Donc battons-nous pour trouver de quoi maintenir le cap, si c'est possible, encore quelques mois pour éviter la dérive et le naufrage. Je vous remercie. Madame Hoyos. Oui, moi je me réjouis du réalisme et de du volontarisme de la ministre Lanane, à la fois le réalisme parce qu'effectivement on n'aura pas plus de points APE sous cette législature qu'on en avait sous la législature passée, mais volontarisme parce que j'ai entendu qu'effectivement Madame la ministre souhaitait convaincre son homologue de la région Wallonne de la nécessité d'accorder les déclarations gouvernementales et de faire en sorte qu'il y ait au moins, à tout le moins donc, un maintien des politiques existantes dans le secteur culturel bien sûr, mais on sait que d'autres secteurs de la communauté française vivent au quotidien grâce aux politiques de l'emploi de la région wallonne ou de la région bruxelloise. Et donc, c'est vraiment essentiel que cette coordination entre les entités fédérées puisse avoir lieu. Je vous remercie. Merci. Monsieur Mann. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est suffisamment difficile pour de jeunes groupes, de jeunes artistes, de trouver un lieu où ils peuvent peut-être pour la première fois exprimer ou montrer leur art. Ici, nous sommes dans cette situation. Je remercie Madame la ministre également pour son volontarisme et je suis sûr que des solutions doivent pouvoir être trouvées. Nous ne parlons que de 13 points APE et de 3 emplois. Je pense que pour la communauté française et pour la région, ça doit être jouable. Merci. Merci, Monsieur Mann. Je vais en appeler à la discipline générale parce que le brouhaha devient un peu désagréable pour les orateurs. Il faut constater que je suis élégant. Je demande ce calme religieux au moment où j'appelle M. Mouillard pour sa question à Mme Simonet concernant l'absentéisme dans le corps enseignant. Et ce sera une question jointe dans la mesure où Mme Saudoyer...